Je vais vous raconter l'histoire d'une truite qui a commencé dans une rivière et fini à Picard. Voici une truite est une truite. Une truite est une truite, même congelée. Une frite est une frite, même dans son cornet. J'ai vu Alexandre à Lapin et Robin sont faits amputés de la jambe par un petit lapin. Mais j'ai vu Alexandre enculé à Lapin. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, The Phil? Again! Woo! Voici l'histoire de cette truite qui est partie de Picard. Cette truite est arrivée chez une famille d'obèses, mais n'avait pas l'argent pour s'acheter une deuxième truite. Alors cette pauvre truite a fait comme Robin, elle a pris un vélo et partie très